Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Renaud Seligman. Bonjour Julien Vidal. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Cette année, le podcast 2030 Glorieuse, il est soutenu par la NEF. La NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Pour moi, c'est vraiment important. Donc à chaque fois, je suis très content de les saluer. Toi, Renaud, tu es cofondateur du Social Bar. Et aujourd'hui, nous échangeons à distance pour parler de ton métier. Un métier que moi j'identifie comme créateur de liens, mais tu vas nous en dire plus. Et plus largement, nous discuterons comment recréer justement ce fameux lien entre les gens dans nos vies et dans nos villes. Mais avant, pour commencer, Renaud, je te pose la question que je pose à tout le monde à chaque fois. La première question du podcast, c'est tu es dans une soirée, tu rencontres des nouvelles personnes et elles te posent cette fameuse question. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu leur réponds? Eh bien, je leur réponds des choses différentes à chaque fois, j'essaye. Mais je leur dis grosso modo que j'ai monté un concept qui s'appelle le Social Bar et qui permet à des gens qui ne se connaissent pas de se parler et de faire la fête ensemble. Donc je suis un peu une espèce d'entrepreneur en convivialité. Voilà, mais créateur de liens et de rencontres me va très bien également, je veux dire. Entrepreneur en convivialité, c'est génial. J'aime vachement bien l'idée, puisque je t'avoue que, en général, quand je pose cette question, je suis un peu désespéré parce que on me dit, bah voilà, je suis entrepreneur, j'ai monté ma boîte, cofondateur, et on s'arrête là. Alors qu'en fait, effectivement, le lancement d'un projet, c'est souvent un métier en tant que tel, mais il va plus loin. Toi, tu maintenant animes encore sans doute d'ailleurs régulièrement le Social Bar, puisque moi quand même la dernière fois qu'on s'est rencontré, la seule fois où on s'est rencontré dans la vraie vie, tu m'attendais à l'entrée du bar, du Social Bar, tu m'avais demandé mon prénom, tu m'avais présenté la personne qui était juste à côté de moi que tu devais sans doute avoir rencontré 3 minutes auparavant, et tu avais passé la journée et la soirée en l'occurrence à créer du lien entre toutes ces personnes qui ne se connaissaient pas et qui pourtant tout ensemble avaient passé une super soirée. Et ben ouais, à l'époque je faisais le métier qu'on a créé un petit peu formalisé par la suite et qui s'appelle agent de convivialité. Et maintenant, je forme des gens à faire ça et je continue de le faire parce que, en vrai, j'adore ça. Donc, je pense que la prochaine fois que tu viendras au Social Bar, il se passera la même chose. En tout cas, je l'espère. Il a beaucoup changé d'ailleurs le Social Bar. Hein. Il a pris 250 mètres carrés depuis que t'es venu. C'est ça, parce qu'avant, c'était un social couloir un peu, le Social Bar. Exactement, hein. C'était le nom qu'on lui donnait, le social couloir. Donc, il faisait 40 mètres carrés, on était serrés comme des petites sardines. Et voilà, ça avait l'avantage de créer de la proximité, mais c'était quand même un peu trop parfois de proximité. Et là, on a un terrain de jeu génial pour faire encore plus de choses et on s'amuse vraiment beaucoup. Et donc, il est toujours à Paris, mais tu vas revenir tout à l'heure en détail, Renaud, sur la création de ce bar, tous les principes qui font que c'est vraiment un bar unique, et puis même les copatrons, etc., etc., ton envie, votre envie même d'ailleurs, du coup, d'étendre le phénomène à toute la France, tout ça, tu vas nous le raconter, mais avant, moi, j'aimerais bien comprendre les mécanismes, les étincelles qui t'ont mené à toi devenir cofondateur du Social Bar et donc entrepreneur en convivialité. C'est pas un métier qu'on nous vend dans les livres pour enfants ni dans les classeurs qu'on retrouve au centre d'orientation de son lycée. Donc comment tu en es venu à te lancer dans cette extraordinaire aventure ? Bah écoute, il y a eu deux trois moments un peu clés, je pense, dans ma vie. D'abord, il y a eu la découverte d'un lieu que j'aime infiniment, qui s'appelle le Vieux Belleville, à Paris, en haut du parc de Belleville, et où j'y ai passé beaucoup de temps, et où je me suis rendu compte, j'ai réalisé, que quand on avait un lieu, on pouvait rendre des gens un peu heureux, pendant une heure, deux heures, enfin en tout cas, qu'ils pouvaient repartir avec plus d'énergie, plus de sourire que quand ils sont rentrés. Et il y avait Jojo, le patron du Vieux Belleville, qui accueillait les gens avec la même fraîcheur qu'il y a 25 ans quand il avait démarré. Enfin, j'avais cette impression-là. Donc, je me suis un peu identifié à lui. Donc, ça m'a un peu inspiré. Ensuite, j'ai fait un boulot avant d'ouvrir le Social Bar, qui était d'animer le réseau du mouvement des entrepreneurs sociaux. Et le boulot, grosso modo, consistait à faire des événements et à faire en sorte que des entrepreneurs qui ne se connaissent pas se parlent et passent un bon moment ensemble. Et j'avais commencé à tester des petites méthodes et des petites façons de faire. Et j'ai vu que ça marchait et que ça faisait plaisir aux gens. Ça, c'était peut-être le deuxième moment. Puis le troisième moment, c'était une conversation que j'ai eue avec une copine qui s'appelle Maëva. Et où on se disait que c'était quand même dingue à quel point... dingue et symptomatique à quel point les gens ne se parlaient plus aujourd'hui dans les bars. Comment ça se fait qu'on ne puisse pas venir seul dans un bar aujourd'hui, surtout quand on est une femme ? Et elle me racontait un exemple à Chicago où on peut jouer le prix de la pièce au dé. Donc c'est un dé à 24 faces, je crois. Et voilà, si tu tombes sur 8, tu payes 8 euros. Si tu tombes sur 24, tu payes 24 euros. Ça m'avait amusé. Et le lendemain matin, je me suis vraiment réveillé avec l'idée de la boîte à défis qui est un peu au cœur du Social Bar et qui consiste à tirer des défis que tu réalises avec des gens que tu connais pas. Et je me suis dit, tiens, ça marche. Il faut arriver à créer des petits prétextes un peu rigolos, un peu chaleureux, un peu mignons, pour que les gens se parlent. Il faut faire ce petit pas-là. Et l'histoire, voilà, je me suis dit, tiens, ça peut marcher, mais j'ai pas les épaules pour monter un bar. Je n'ai pas du tout les épaules pour ça. Et là, le hasard heureux de la vie, l'alignement des planètes, a fait que David, que j'avais rencontré au mouvement des entrepreneurs sociaux, avec qui on était devenu un peu potes, pour qui j'avais une grande admiration intellectuelle notamment, et ben viens me voir au Vieux Belleville à 22h, un peu bourré. Moi, j'étais un peu bourré en train de chanter avec tout le monde. Et il me dit, je vais avoir un espace de 500 mètres carrés, un Gare de Lyon. Il y a une petite vitrine. Franchement, tous les deux, on pourrait monter un bar, ça pourrait être drôle. Il fera 50 mètres carrés, ça pourrait être marrant. Et donc, je lui dis, ben, je viens d'avoir une idée de concept. Et si ça te plaît, on pourrait faire un bar qui ressemble au Vieux Belleville, en tout cas, où il y a la même chaleur humaine. Voilà, et c'est comme ça qu'on a tapé dans la main et que l'aventure a démarré. Mais du coup, je n'étais pas du tout entrepreneur à la base, et David l'était. C'est ce qu'on appelle le destin. On s'est lancé comme ça en étant des touristes du métier. Je parle du métier du bar. Moi, j'étais pas trop mauvais en animateur et en convivialité, mais je connaissais rien en bar. Et on s'est lancé comme ça, un peu à l'aveugle, dans un quartier qui était pourri. Donc je pense que si on connaissait vraiment bien le métier, on n'y serait jamais allé, ça c'est marrant. Parce que c'est entre Gare de Lyon et Bercy, et tous les gens nous disaient, non mais c'est impossible, un bar, un resto, c'est un lieu. C'est la rengaine classique. Et voilà, et nous, écoute, on y allait, et il y a eu un miracle, quoi. Ça a marché. Ouais, et avant que tu nous racontes le miracle, parce qu'effectivement, il y a eu des étapes assez marrantes, le bar a été élu à un moment le meilleur bar parisien, si je dis pas de bêtises, mais tu vas nous redire. Bar préféré des Parisiens. Le bar préféré des Parisiens, mais avant. Time out, deux fois de suite. Ouais, c'est ça. Hein. Mais avant, tu vois, tu dis ça à tous tes amis, vous venez de vous taper dans la main avec David, tu dis ça à ta famille, à tes proches, qu'est-ce que t'as comme réaction, qu'est-ce que ça a donné? Je me souviens plus trop, mes parents ils étaient un peu sceptiques, je t'avoue, c'est loin de leur univers de base. Alors après, j'étais un peu sécurisé parce que David m'avait en même temps proposé quand même d'être son directeur de communication dans sa boîte. Donc en fait, au départ, ça devait pas prendre tant de place que ça dans ma vie. Mais quand on s'est lancé, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire et en fait le truc a marché tout de suite, donc ça m'a un peu happé. Du coup, j'ai pas fait beaucoup de communication pour sa boîte. Au bout de quelques semaines, je lui ai dit, je ne sais pas si tu te rends compte, mais je ne fais rien pour ta boîte. Et je me suis un peu auto-viré, du coup, pour me consacrer au Social Bar. Mes amis trouvaient que ça correspondait avec, avec ce que j'étais, quoi. Quand j'étais à l'EDEC, j'avais monté un petit cabaret pour les étudiants. On faisait des soirées cabaret pour les étudiants. Voilà, moi, j'aime bien la fête. J'aime bien rendre les instants de vie vivants, justement. Voilà, j'aime bien voir les gens sourire. J'aime bien voir les gens heureux. Donc ça m'allait bien. Et puis, il y avait le côté quand même très rassurant d'être avec quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat depuis 15 ans, qui a des épaules très carrées et la tête sur les épaules. Et voilà. Je vois tout à fait ce que tu veux dire quand tu parlais tout à l'heure de ce lieu en Haute-Belleville qui faisait qu'à chaque fois que tu rentrais, qu'il y avait un moment magique qui se passait. Moi, j'avais le même un peu en dessus de Montmartre, chez Jojo, ça s'appelait. Et malheureusement... Je vois très, très bien. C'est vrai ? Ah, j'ai passé des grandes soirées. Mais extraordinaire, ouais. Des lieux où tu savais tout le temps quand tu rentrais, mais jamais quand tu sortais, et jamais qui t'allait rencontrer. Et tu ressortais de cet endroit et tu faisais la bise à tout le monde. C'est incroyable, ça. On a l'impression que ça n'existe plus, des endroits comme ça. Eh bien, ça existe de moins en moins, ouais. C'est pour ça qu'on avait envie de créer ça. Il y a encore quand même quelques institutions à Paris, des lieux qui ont une histoire et où il se passe ça. Voilà, comme chez Jojo, effectivement, c'est un lieu magnifique. Il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi des bars hyper chaleureux qui n'ont pas de concept et où en vrai ça marche bien. Mais c'est pas facile de se dire tiens, je vais aller seul dans un bar aujourd'hui à Paris. Or, il y a quand même plein de moments, même si on a des amis, même si on se sent très entouré, en vrai, on se retrouve seul, on n'ose pas appeler les gens pour dire t'as envie de sortir. Et du coup, on ne sort pas alors qu'on a envie. Et moi, je trouve ça très dommage. Donc, Quand j'ai créé ce bar, vraiment, je me suis mis à la place. J'ai créé comme un persona, là, comme on dit dans les trucs de com, là. Et je me suis dit, tiens, voilà, je suis une nana de 30-40 ans. J'arrive seule dans un bar. Qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe, quoi, pour que je me sente à l'aise et que je passe une bonne soirée. Et bien, justement, on pousse la porte du social bar et cette personne rentre dans le bar. Qu'est-ce qui se passe, alors ? Eh bien, écoute, il se passe qu'il y a quelqu'un qui l'accueille, un peu comme moi, je t'ai accueilli. Cette personne, elle est vraiment dédiée à ça. Elle n'est pas là pour servir des verres, elle n'est pas derrière le comptoir. C'est comme un hôte de soirée, quoi. C'est comme quand tu organises une soirée, tu as envie que tout le monde soit à l'aise, tout le monde soit bien, tu présentes les gens les uns aux autres. Bah, c'est le rôle de cette personne, alors qu'on a appelé par la suite agent de convivialité. Il a eu le nom de porteur de convivialité ou d'hôte de convivialité, mais peu importe. Et donc, cette personne t'accueille, te présente le concept, éventuellement te présente à quelqu'un. Et t'invite à remplir ton badge de convivialité. Donc c'est un peu le badge de convivialité, c'est un petit papier qui ressemble à une bouteille de bière et qui est un peu comme ta carte d'identité de la soirée. Donc sur ta carte d'identité, tu vas mettre ton prénom ou le prénom que tu vas avoir ce soir. Tu peux changer. Et tu vas répondre aux deux questions du jour. Et le concept, c'est que tu demandes à un inconnu de te le scotcher dans ton dos comme un poisson d'avril. Et on fait ça parce que déjà, c'est un prétexte pour se dire bonjour. Nous, on aime bien créer des prétextes sympathiques. On crée un petit contact physique parce que le contact physique a des vertus désinhibantes, en fait, quand il n'est pas intrusif. Et puis, on crée des sujets de conversation possibles qui sont pas « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Parce qu'en général, quand on rencontre quelqu'un, eh bien, la première question qu'on pose, quand on n'est pas très à l'aise, c'est « et au fait, tu fais quoi dans la vie ?» Et moi, je pense qu'il y a 70% des gens qui ne sont pas très à l'aise avec ce qu'ils font dans la vie et qui n'aiment pas trop cette réponse. Donc, je trouve ça dommage de commencer une interaction avec quelqu'un en n'étant pas content de la première question qu'on te pose. Donc, du coup, là, c'est des sujets différents. Donc, ça va être, j'en sais rien, moi, si j'avais plus de temps, je, trois petits points, le pire cadeau qu'on m'ait fait, demain, je pars en vacances, je vais à trois petits points, enfin, j'en sais rien. On essaie d'en inventer tous les jours. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est la première consigne, mais qui n'est jamais obligatoire. Rien n'est obligatoire au social bar. On veut vraiment pas que ça soit une secte. Et on veut que les gens qui n'ont pas envie de le faire se sentent très libres de ne pas le faire, et c'est très bien comme ça. La deuxième chose, c'est qu'ils vont aller servir à boire. Et là, on va leur proposer de jouer leur prix de leur verre au dé. Donc la règle, c'est que 1 ou 2, tu gagnes 1 euro, 5 ou 6, tu perds 1 euro. Mais c'est un inconnu qui lance le dé pour toi. Et pareil, cette petite règle très sympa va faire que tu vas te retourner vers quelqu'un et tu vas briser la glace. Et tu vas créer cette première interaction qui est toujours la plus difficile et qui est celle qui te met dans le mood, en fait. Voilà, et puis après, il va y avoir des défis, il va y avoir peut-être un tournoi de Shifumi géant, et puis à minuit, il va y avoir un décompte de minuit où on va faire 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on va tous se souhaiter une bonne journée. Et on fait ça tous les soirs depuis maintenant 5 ans. Est-ce qu'il y a toujours un téléphone accroché où on peut appeler des gens pour prendre de leurs nouvelles et... Alors non, le social phone a disparu malheureusement. Le social phone a disparu, j'en suis bien triste, il faudrait peut-être qu'on le remette. Mais le principe, c'était que les gens pouvaient laisser leur numéro pour qu'on puisse les appeler. Alors maintenant, on a une boîte, c'est la boîte des messagers d'amour. Donc tu peux laisser un message et on envoie pour quelqu'un que tu aimes, et on va envoyer un agent de convivialité taper à la porte de cette personne et lui dire le message de ta part. Ah ouais, c'est génial. Et donc l'histoire, c'est ça, c'est donc ce bar. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que du coup, avec mon associé, on vient de l'économie sociale et solidaire, donc on a une entreprise, on a envie de gagner de l'argent, mais on a écrit vraiment dans nos statuts qu'on reversait 15% des bénéfices à des associations. Ouais. Et ces associations sont choisies par ce qu'on appelle les copatrons, donc qui sont des personnes qui ont investi dans le bar au départ, à partir de 100 euros, en ayant des privilèges. Donc, ils ont leur nom écrit sur le mur du bar, ils peuvent passer derrière le comptoir de temps en temps. Organiser une soirée. Ils ont des soirées qui leur sont réservées, et surtout, c'est eux qui alimentent le bar en idées de teuf, de convivialité, d'événements, de choses comme ça. Redis-moi le nombre de copatrons du Social Bar à Paris ? Et au tout départ, on était 175, et puis après, on a fait des travaux d'agrandissement, donc on a refait une levée de fonds. Et donc là, tout compris, on est à peu près 500. Et on fait la même chose dans tous les bars qu'on ouvre en France, avec le même principe. Vous êtes dit, c'est tellement bien, il y a tellement quelque chose qui marche, que j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont venus vous voir en vous disant, mais moi, demain, j'ouvre le même dans ma ville en France, non ? Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu beaucoup de monde qui nous disait, mais pourquoi vous ne faites pas la même chose à Strasbourg, à Marseille ? Oui. Et donc, ça restait dans un petit coin de notre tête. On s'est dit, OK, on a quand même vu que le modèle marchait parce qu'on a été rentable assez vite dans un coin qui était quand même pas gagné d'avance, loin de là. Et puis, en parallèle, on a développé une autre activité B2B, pour le coup, où on fait de l'événementiel convivial dans les entreprises. Partant du constat qu'il y a en fait le même phénomène qui se passe, c'est-à-dire que tu, dans les soirées d'entreprise ou les moments d'entreprise un peu informels, tu vas parler aux 3-4 collègues que tu connais déjà, en fait. Et spontanément, naturellement, tu ne vas pas parler aux autres. Donc nous, on conçoit des dispositifs, des parcours de convivialité, et on envoie nos agents de convivialité pour faire en sorte que la mayonnaise humaine prenne et qu'on puisse créer du lien entre les gens de manière joyeuse et ludique. Et donc on a testé ça, ça a marché. Donc là, on s'est dit, OK, on tient quand même un projet intéressant parce qu'il y a une partie bar, il y a une partie entreprise. Donc on se sentait assez costaud pour aller voir des fonds d'investissement. Alors, pas n'importe lesquels, on est allé voir des fonds d'investissement à impact, éthique. Et Noves a investi 1 million d'euros. Donc, en tout, on a levé 1,5 million d'euros pour faire grandir le projet et mettre de la convivialité un peu partout. Donc là, on a ouvert 3 bars aujourd'hui. Il y en aura bientôt 6 dans 6 mois. Et on développe à fond l'activité entreprise. Et on a développé une troisième branche, mais peut-être que j'y reviendrai après. Ils sont où, Renaud, les bars actuellement ? Alors, à Saint-Ouen, au 106 avenue Gabriel Péri, à Strasbourg, rue du Faubourg de Pierre, et on s'apprête à ouvrir à Biarritz, à Montpellier et à Dijon. Ouais, voilà. C'est génial. Et à Biarritz, la campagne est encore en cours pour devenir copatron, pour ceux qui le souhaitent. Trop bien. Eh ben, écoute, je te pose une question qui est un peu provocante, mais j'ai vraiment envie d'entendre ta réponse. Et puis ensuite, tu nous raconteras, et je pense que ça fera partie de ta réponse, ce que ça a changé et pourquoi vous avez été élu le bar préféré des Parisiens 2 fois d'affilée. Mais tu disais, maintenant, il y a des endroits où, en fait, on se parle plus. Et en fait, même, il y a assez peu d'occasions dans la vie pour qu'on parle à des inconnus. Est-ce que c'est si grave que ça de ne pas parler à des inconnus ? Alors, je ne sais pas si c'est si grave que ça, mais je pense que... Alors, c'est un nom sociologique, c'est marrant ce phénomène-là, qui a été complètement repris pendant le confinement, ça s'appelle la distance sociale. Et la distance sociale, c'est la capacité qu'on a à entrer spontanément en contact avec des gens qu'on ne connaît pas. Et je trouve qu'on est dans un pays, en tout cas dans le contexte urbain, avec une très grande distance sociale. Et moi, ma conviction, c'est que ça fragilise vraiment le vivre ensemble et que ces petites interactions, qu'on appelle aussi des liens faibles, il y a les liens forts, c'est la famille, les amis, les très proches, et puis il y a tous les liens faibles. Et on est dans une société où il y a très très peu de liens faibles, je trouve. Et moi, je trouve ça très grave, très dommage, parce que je trouve que ça fait du bien, ces interactions-là. Il suffit d'un petit sourire dans le métro, il suffit d'un petit truc auquel on ne s'attendait pas, un bonjour, une conversation d'une seconde, 10 minutes, pour qu'on se sente bien, en fait, et que ça nous booste sur une journée, sur, voilà. Et puis parfois, t'as des petits liens faibles qui deviennent des liens forts, hein. Enfin, au social bar, il y a eu plein d'amitiés, il y a eu plein de choses comme ça qui sont nées. Et je trouve ça dommage qu'on s'empêche ça. Ça veut pas dire qu'il faut le rendre permanent et obligatoire et qu'on doive aller parler à tous les inconnus qu'on croit. Ça n'aurait pas de sens, évidemment. Et moi-même, je le fais pas du tout. Mais qu'on puisse s'autoriser à le faire. Voilà, moi, c'est ça la société. Voilà, une des dimensions de la société que j'ai envie de voir, c'est celle-là. Et ça rejaillit sur plein de choses, hein. C'est aussi la culture du voisinage. Il y a une initiative que je trouve extraordinaire qui s'appelle Les Hyper Voisins. J'espère que tu les intervieweras un jour. C'est un peu comme un social bar, c'est un laboratoire de convivialité, mais à la dimension d'un quartier. Comment on fait, à l'échelle d'un tout petit quartier, de 3, 4 rues, 5 rues, pour connaître un maximum de gens et se dire bonjour 10 fois, 20 fois, 30 fois par jour. Et parce que c'est ça qui va créer le lien, qui va faire qu'on va pouvoir s'entraider, qu'on va pouvoir sortir de galères quand il y en a. Moi, je crois beaucoup à ça, en fait. Et du coup, on est sorti du bar, en fait. Là, c'est assez marrant parce qu'au départ, c'était un bar. Puis très vite, on allait dans les entreprises. Et en fait, on s'est dit que notre métier, c'était pas de servir de la bière. C'était de créer de la convivialité. Et on se l'est d'autant plus dit pendant le confinement que tous nos bars ont fermé. Tous les événements physiques ont fermé. Et on a créé un bar digital pour recréer du lien informel à distance et qui a hyper bien fonctionné et qui a mis un peu de joie et de sourire dans les entreprises et pour des particuliers. Et voilà, donc vraiment aujourd'hui, notre but, c'est d'aller partout où il y a besoin, quoi. Donc on va aller dans les gares très bientôt, à la SNC, gare de l'Est, vous allez nous voir une demi-journée par mois. Et on a d'autres pistes un peu marrantes comme ça. Ouais, bah écoute, on va en parler de toutes ces pistes. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si. On va en parler de toutes ces pistes de toute manière parce que tu vas nous raconter à quoi ressemblera le social bar en 2030 et comment justement on aura recréé tous ces liens faibles et qui vont sans doute alimenter ou devenir, comme tu le disais, des liens forts en 2030 glorieuse, faire en sorte que les gens se rapprochent. Et tu nous raconteras qu'est-ce que ça a changé en France. Mais avant ça, avant qu'on parte ensemble en 2030 glorieuse, Renaud, tu es venu avec une lecture pour nous ouvrir une porte grâce à la littérature, grâce à un roman, grâce à un essai, je ne sais pas encore, vers justement ces mondes que toi, tu souhaites voir advenir le plus vite possible. J'ai choisi un poème d'un écrivain italien qui s'appelle Eri De Luca, que j'ai découvert il y a quelques semaines, que je trouve très beau. J'attache de la valeur à toute forme de vie, à la neige, à la fraise, à la mouche. J'attache de la valeur au règne animal et à la république des étoiles. J'attache de la valeur au vin tant que dure le repas, au sourire involontaire, à la fatigue de celui qui ne s'est pas épargné, à deux vieux qui s'aiment. J'attache de la valeur à ce qui demain ne vaudra plus rien et à ce qui aujourd'hui vaut encore peu de choses. J'attache de la valeur à toutes les blessures. J'attache de la valeur à économiser l'eau, à réparer une paire de souliers, à se taire à temps, à accourir à un cri, à demander la permission avant de s'asseoir, à éprouver de la gratitude sans se souvenir de quoi. J'attache de la valeur à savoir où se trouve le nord dans une pièce, quel est le nom du vent en train de sécher la lessive. J'attache de la valeur au voyage du vagabond, à la clôture de la moniale, la patience du condamné, quelle que soit sa faute. J'attache de la valeur à l'usage du verbe aimer et à l'hypothèse qu'il existe un créateur. Mais bien de ces valeurs, je ne les ai pas connues. Tu sais qu'Eri De Luca, on nous l'a fait découvrir déjà dans ce podcast à travers Eva Sadoun qui nous avait lu un tout petit passage de Trois chevaux où elle parlait de la relation du protagoniste à son jardin. Et c'est comme ça que j'ai découvert cet auteur et je trouve son travail absolument extraordinaire. Donc je te remercie sincèrement. Ah ben, je suis ravi de partager nous avoir les lu goûts ce des, beau poème. Partager un, les goûts d'Eva. Donc, franchement, c'est un vrai bonheur et c'était une transition ouais, parfaite. Ouais, c'est un très joli poème, quoi. Il se trouve que j'attache de la valeur à beaucoup de choses dont il parle. Pas tout, mais beaucoup de choses. Et ouais, tout est là, quoi. N'en dis pas plus, Renaud. C'était vraiment très bien. Et tu nous montres, grâce à cette lecture, ce à quoi on attachera plus de valeur. Puisque ça y est, nous sommes en 2030 glorieuse. Renaud, moi, j'attache beaucoup de valeur à cet exercice de pensée qui est d'une puissance insoupçonnée. Puisque en se projetant en 2030 glorieuse, on commence à les faire advenir, ces 2030 glorieuses. Ces 2030 glorieuses que beaucoup de personnes attendent, espère et qu'à la fois assez peu de personnes participent à construire proactivement tous les jours. Et donc je suis assez persuadé que le fait de faire cet exercice de création de nouveaux imaginaires dans le podcast donne, et on me l'a assez souvent dit pour que je commence à croire que c'est vraiment le cas, donne envie à plus de personnes de prendre part à cette construction des mondes de demain. Donc ça y est, Renaud, nous sommes dans nos 2030 glorieuses que nous allons dessiner ensemble. Ces 2030 glorieuses, du coup, il va falloir les faire comprendre, découvrir aux personnes qui nous écoutent. Donc, nous parlons au présent de ce monde qui ne nous appartient qu'à nous deux. Et à la fois, de plus en plus de personnes vont, j'en suis sûr, s'en émouvoir et l'espérer, ce 2030 glorieuses que nous allons imaginer, parcourir pendant une quinzaine, vingtaine de minutes. C'est forcément des 2030 glorieuses plus sociales, mais avant ça, j'aimerais que tu nous racontes ce que toi tu vois dans ces 2030 glorieuses si tu regardes à travers la fenêtre. Si je regarde à travers la fenêtre, écoute, je vois une ville de village. Voilà, une ville faite de plein de villages, où chaque petit quartier est un petit village en soi, et où on s'y sentirait comme dans un petit village, justement. Moi, je vois ça. Je vois qu'il n'y a plus besoin de cartes défi, de cartes blabla, de jeux de dés pour que les gens se parlent, se disent comment ça va, comment tu t'appelles. Voilà. Je vois qu'on est revenu à une certaine frugalité heureuse et simple. Je vois que qu'on attache de la valeur au vin tant que dure le repas et à tous les sourires involontaires. Je vois qu'on chante encore du Daniel Balavoine. Je vois qu'on rit encore au sketch des nuls. Je vois qu'on s'est remis à lire quand même, parce qu'on s'est quand même rappelé que c'était essentiel. Donc je vois pas beaucoup d'écrans. Bizarrement, je vois pas beaucoup d'écrans, moi, dans mes 2030 glorieuses. Par contre, je vois des pages de livres. Et ça me plaît. Je vois même des gens qui lisent dans le métro. Je te jure, Julien, je les vois, ces gens-là. Voilà, je vois plein de petits archipels de nature et de silence aussi, et de fêtes. Un peu partout, comme il est en train de s'en faire aujourd'hui, de plus en plus. Voilà ce que je vois là tout de suite. Et puis je vois que t'as pas vieilli, Julien. Moi non plus d'ailleurs, j'ai pas vieilli, franchement. Les années nous ont assez bien traités, on ouais, est d'accord. Ouais, franchement, hein. On est bien tous les deux. Hein. On est vraiment bien tous les deux. Renaud, il y a 10 ans en arrière, on nous parlait justement de la transition, du changement de nos modes de vie, presque uniquement de manière technique. On nous parlait d'énergie, on nous parlait de rénovation des bâtiments, on nous parlait de mobilité active, technologique, etc., etc. Comment on s'est rendu compte qu'en fait, le changement de nos modes de vie, il tenait essentiellement dans le changement de relation qu'on avait à nous-mêmes et aux autres? Redis-moi ta question. Comment on s'est rendu compte que réussir à faire en sorte qu'on aurait des décennies durables et pérennes devant nous, c'était pas tant un défi technique, un défi technologique, mais un défi humain, un défi social, un défi presque d'écologie, d'écologie presque intérieure aussi. Bah juste en voyant le bien que ça fait, en fait, tout simplement. Moi, c'est assez rigolo. Alors, je parle que de ce que je vis, mais j'ai quand même beaucoup de gens qui me disent « Putain, j'avais oublié que c'était si simple et que ça pouvait faire autant de bien, quoi. » De retrouver cette simplicité du contact, de l'échange, de choses comme ça. Donc, j'allais dire, c'est par l'expérience de petites choses et par la preuve, en fait. Ouais, c'est par la preuve. Et puis, il y a aussi, enfin, si tu regardes bien, le Covid a eu un double effet, mais je pense qu'il a isolé des gens, encore plus, malheureusement. Mais il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience que l'enfer, c'était pas les autres, mais que c'était quand même le paradis, parce que quand il était pas là, l'autre, c'était compliqué, quoi. Et quand je dis l'autre, c'est le voisin, c'est le boulanger, c'est la personne qu'on croise dans la rue, enfin, ces choses-là, quoi. Donc, il y a les épreuves aussi. Moi, je crois aussi au fait que, aussi en traversant des épreuves, qu'on réalise, quoi, qu'on prend conscience et qu'il y a des changements structurels. Les épreuves et les preuves. Ouais. Et il y a aussi le fait de se rendre compte que bah, chez l'autre, il y avait plus d'opportunités, de conversations, de co-construction que de risques et qu'en fait, on était interdépendants. Alors, c'est effectivement se rappeler un truc presque physiologique de base. On est des êtres de relation, quoi. On est fait de ça, on est des êtres sociaux. Si on n'est pas en société, on meurt. Ça, c'est quand même le premier point. Et oui, il faut juste qu'on arrive à se dire que l'autre est... Alors, opportunité, ça fait toujours business, ça ne me plaît pas trop comme mot, mais que l'autre est une source de joie, de chaleur humaine, de plein de choses positives, et qu'entre le positif et le positif l'emporte tellement largement, quoi. C'est quoi le risque qu'on prend à parler à quelqu'un qu'on connaît pas, je veux dire. Quand on pèse dans la balance le risque et le gain, si on raisonne en termes mathématiques et de jeu, le gain l'emporte mais mille fois. Et moi, il y a une chose à laquelle je crois et qui est presque contre-intuitive. Je trouve qu'on est dans une société où, en fait, naturellement, on se dit qu'on est prêt à aider l'autre, parce que les gens sont très sincères quand ils disent ça. Mais la vérité, c'est que c'est pas ça qui fait le lien. Enfin, moi, ce que je dis toujours, c'est que si tu as envie d'être porteur de convivialité, commence d'abord par dire aux autres « j'ai besoin de toi ». Commence par exprimer quelque chose où tu as besoin de l'autre. Parce que c'est comme ça que tu enclenches la dynamique relationnelle, en fait. Si tu vas voir quelqu'un en lui disant tu vas voir ton voisin en disant « j'ai besoin de sel », la personne va te donner le sel. Et elle va s'autoriser le lendemain, déjà elle sera très contente de te donner le sel, ou quelque chose de plus important, hein, et le lendemain elle s'autorisera à t'aller te demander quelque chose. Donc si tu veux être celui qui enclenche la relation, je pense que le premier pas, c'est pas de dire « je peux t'aider, je peux te rendre service ». Le premier pas, bizarrement, c'est de dire « est-ce que tu peux me rendre service ?» Et moi, j'aimerais bien qu'on organise des journées mondiales de... Non pas du don, mais du... Enfin, de ça, quoi. Où on va tous voir un voisin en lui disant « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un service, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». Qu'on soit capable, qu'on s'autorise à dire « j'ai besoin d'eux ». Que ça ne soit pas pris comme une vulnérabilité. Et je pense que déjà, si on arrive à changer ce fonctionnement-là, eh ben, on créera le terrain pour l'échange, et pour la relation, et pour la rencontre. Beaucoup plus facilement. Vous, Renaud, ces 10 dernières années au Social Bar, et avec toute la galaxie, hein, du Social Bar, vous avez vraiment œuvré à faire que ces liens se recréent, se renforcent. Alors forcément, premièrement à travers le Social Bar, puisqu'il y a, allez, combien, 100, 200, 300 Social Bar partout en France, et ça crée une énorme vague de discussions, de conversations. On a une centaine de Social Bar. Une centaine, allez. On est dans toutes les grandes villes, et puis on a aussi développé des Social Bar dans les villages, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même un gros besoin dans les milieux ruraux, voire et périurbains. Et du coup, on a créé des petites social bars de village, effectivement. Et on a plein de camions aussi qui se baladent pour faire la fête un peu partout, là où il n'y a plus d'endroit pour faire la fête. Donc on imagine tout à fait des lieux vivants, pétillants, où on peut, du coup, comme tu le dis, venir seul, sans craindre de devoir parler ou pas d'ailleurs aux autres, mais au contraire pour... Sans craindre le regard de l'autre, en fait. Ouais, c'est ça. Exactement, on se dit, tiens, on va pas me prendre pour un taré si je dis coucou, comment ça va, on va pas me prendre comme pour un taré. Et vous avez aussi développé des écoles. Alors oui, ça fait, du coup, si on est en 2030, ça fait maintenant 10 ans qu'on a développé l'école de la convivialité. Et l'école de la convivialité, elle forme des agents de convivialité. Et elle permet notamment à des jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire de devenir agents de convivialité en un an. Et sur le terrain, donc on les forme en situation de travail, parce que je vous avoue qu'on ne croit plus trop à la méthode professorale où tu es dans une salle de classe, on te dit des vérités que tu dois écouter et assimiler. En tout cas, ça ne marche pas sur beaucoup de gens. Et donc on les met en formation en situation de travail, mais on les coache en même temps par un mécanisme qui s'appelle la validation des acquis de l'expérience. Du coup, chaque semaine, ils réfléchissent sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont compris. Et comment on peut le traduire en compétences. Et à la fin du parcours, ils sont du coup capables d'aller devant un jury et de dire qu'ils ont acquis toutes les compétences d'un bac pro, le bac pro métier de l'accueil. Et donc comme ça, on fait de l'insertion professionnelle en diplômant des jeunes qui sont en situation de décrochage sans qu'ils aient à retourner en cours et tout en leur donnant un bagage d'expérience professionnelle pour la suite. Et qu'est-ce qu'ils font ensuite, ces agents de convivialité? Où est-ce qu'on les retrouve? On va les retrouver dans les gares pour dynamiser les salles d'attente, pour accueillir les gens qui sont un peu angoissés. On va les retrouver dans les files d'attente de Pôle emploi. On va les retrouver dans les préfectures. On va les retrouver dans les espaces publics. On va les retrouver partout. On va les retrouver dans les galeries commerciales. On va les retrouver dans les hôpitaux, dans les EHPAD, pour aller mettre un peu de sourire. Beaucoup de choses qu'ils ont commencé à faire en 2021, je précise. Mais c'est quoi ce futur que tu nous promets et que tu nous présentes, Renaud? Parce que Elon Musk, il nous avait dit qu'il y aurait des robots avec l'intelligence artificielle qui pourraient nous guider dans toutes nos tâches, faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de travailler. Et quand normalement, on devait aller faire les courses, soit on achetait sur Internet, soit on payait directement à une machine. C'est pas tout ce que tu nous racontes, toi. Non, mais là, tu iras faire tes courses parce que tu auras des agents de convivialité qui te feront des petites blagues et avec qui tu passeras un super moment et dont tu connaîtras le prénom et qui connaîtront le tien. Et tu te dis, tiens, ça va être mon petit remontant, ça va durer 5 secondes, mais ça va me faire du bien. Donc tu iras du coup dans les magasins pour ça. Tu auras envie d'y aller. Et d'ailleurs, tu reconnaîtras l'hôtesse de caisse qui avait été démis de sa fonction 5 ans auparavant. Tu la retrouveras agent de convivialité. Toi, Renaud, tu fais quoi en 2030 Glorieuse? Alors moi, je m'occupe toujours un peu du social bar, mais un peu moins quand même, parce qu'il faut savoir bouger, puis il faut savoir laisser aussi la main à d'autres gens. Par contre, je m'occupe d'un lieu dans le Var, qui sera un éco-village, où il y aura une guinguette, une brasserie, un terrain agricole, où on produira ce qu'on consommera, où il y aura un hôtel, où il y aura deux restos, et où on fera beaucoup la fête, et qui sera aussi un lieu de pédagogie qu'on est en train de construire là, actuellement. Et les gens, d'ailleurs, ne comprennent pas pourquoi tu as refusé le poste de ministre du ministère de la Convivialité. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. la politique et moi, là, ça fait deux. Je crois pas que l'action et le pouvoir soient là. En tout cas, c'est pas là que je vois le mien. Et moi, j'ai trop besoin de pouvoir t'accueillir encore au social bar, Julien, quand tu reviendras. Et que ce soit moi qui t'accueille et qui te présente à des gens. Et j'ai bien peur que si je suis ministre de la convivialité, j'oublie de faire ça. Ça a de la gueule pourtant d'être ministre de la convivialité, non? Ouais, mais c'est un ministère trop transversal. Comme tous les ministères un peu transversaux, ils sont ministres de rien. Et la convivialité, elle doit être partout. Et... du coup, je pense que c'est pas un bon portefeuille. Le portefeuille, ton pouvoir. Trop transversal. Trop transversal, je vois ce que tu veux dire. Eh ben, écoute, moi, franchement, je suis heureux de passer la porte du Social Bar qui est en bas de chez moi ou pas très loin, enfin. Parce qu'à Lyon, c'est vrai qu'on a attendu longtemps le Social Bar. Des fois, des grandes villes où le lien était évident, bah, ça a mis un peu de temps à arriver, mais c'est quand même des... Hein, c'est pourtant, quand même des lieux extraordinaires. C'est vrai, hein, mais des fois, on oublie un peu presque notre chez-nous. Il y a d'autres choses qui nous détournent, mais je trouve quand même ça extraordinaire, ces lieux où en fait, effectivement, le Social Bar, c'est des lieux de rencontre, c'est des lieux d'engagement, ces liens avec les associations, ils sont naturels, avec l'art, avec la créativité, c'est des lieux qui fourmillent où on ne sait jamais ce qu'on va trouver, mais on sait qu'on va ressortir un peu plus heureux, comme tu le disais, parfois aussi un peu meilleur, avec plus de culture, avec de nouveaux concepts, avec de nouvelles idées et moi en tout cas savoir que dans ces endroits-là, on ose à nouveau avoir les fameuses discussions de comptoir qui avant étaient monnaie courante et qu'on a arrêté d'avoir parce que en fait on s'est mis à regarder la télévision de l'autre côté du comptoir qui malheureusement coupait le son des conversations etc. Bah ça me fait du bien parce que dans cette idée de parler à l'autre, il y a aussi la nécessité de comprendre que bah voilà, l'autre ne pensera pas tout le temps ce que nous pensons, mais que c'est pas grave et que en fait il n'y a pas besoin de le convaincre l'autre, il y a le besoin de l'écouter et de faire ensemble une vérité commune. Et je trouve que le Social Bar, pour ça, c'est un beau terreau d'expérimentation de vérité co-construite et donc du coup beaucoup plus complexe et nuancée. Et ça me fait beaucoup de bien. Bah, en tout cas, c'est se confronter à des gens qu'on n'aurait probablement pas rencontrés dans d'autres contextes et parfois revoir les positions qu'on pouvait avoir. Et ça, j'aime bien quand on me raconte ça. J'aime bien aussi quand on me dit qu'à force d'aller au Social Bar, on acquiert des petits réflexes de convivialité dans le quotidien. Parce que je dis souvent maintenant que je considère la convivialité comme un muscle, en fait. Et du coup, faut s'entraîner. Sinon, on l'oublie et ça s'atrophie. Et voilà. Et j'adore les retours de gens qui me disent ça. Tu me fais une transition parfaite, Renaud, parce que si nous devons donner un conseil, si tu devais donner un conseil aux personnes qui nous écoutent pour qu'elles puissent cheminer et aller même tout droit le pied sur l'accélérateur ou en tout cas à grandes enjambées vers ces 2030 glorieuses que nous avons commencé à co-créer, quel serait leur premier pas? Quel conseil, quelle action concrète tu leur suggérerais de faire? Déjà lire toute la bibliographie de Julien Vidal, ça me paraît quand même... évident, bien sûr. Ça me paraît fondamental. Et là, il verront que du coup, à la page je ne sais plus combien, il est très conseillé d'aller au Social Bar. C'est vrai. Non, je ne sais pas, j'ai toujours du mal à donner des conseils, moi. Bah si on continue sur ton idée du fait que cette convivialité, c'est un muscle, comment tu l'entraînes toi et est-ce qu'il y a un entraînement, un exercice particulier que tu peux proposer aux personnes qui nous écoutent? Alors bah, très concrètement, de venir seul dans un bar, alors c'est le mien ou celui ou ailleurs, ou en fait de faire seul certaines choses. Et parce que moi je trouve que l'expérience de quand on choisit d'être seul, de faire quelque chose seul, est absolument génial. Genre partir en vacances seul, je trouve ça fabuleux. Et aller dans un bar seul, ouais, je pense que c'est une bonne expérience. Et parce que je crois qu'on a peur, mais on se fait des films de ça, mais que la plupart du temps, en fait, les gens sont quand même plutôt sympas, quoi. Donc aller seul dans un bar, alors si possible au Social Bar, mais ça sera plus facile. Mais tenter cette expérience-là. D'ailleurs, c'est très amusant de voir que quand on est à l'étranger, on n'a pas du tout peur d'être seul et d'aller voir les gens. Pas du tout. Par contre, dès qu'on est en France, on a peur. C'est quand même très marrant, ce phénomène. Mais ça veut dire qu'on a ça en nous, quand même. Donc, c'est juste une petite barrière psychologique à faire sauter. Donc, sortons de notre petite zone de confort et allons chercher les petites pépites humaines qui se cachent à la table d'à côté. Merci, Renaud. Merci, Julien. Et voilà, cette interview avec Renaud Seligman vient de se terminer. Quel plaisir, je savais que ça allait être un échange exceptionnel et je crois sincèrement que ça a été le cas. Que Renaud nous présente ce métier de porteur de convivialité, c'est quand même une chance inouïe pour montrer à quel point il y a dans les modes de vie de demain, des métiers qui sont quand même absolument extraordinaires, qui vont se repropager absolument partout, et qu'on se rende compte qu'en fait, voilà, plutôt que d'être en interface, en interaction avec la machine, on va redévelopper à nouveau de plus en plus les interactions avec les êtres humains dans la vraie vie. C'est la folie, ça c'est vraiment quand même un métier qui, moi, me donne beaucoup d'enthousiasme, et puis surtout, ça montre que, ben voilà, il n'y a pas forcément besoin de passer par des formations hyper complexes, hyper sélectives. Là, Renaud nous en parlait, c'est une formation d'un an qui valide sur les acquis et les expériences. Enfin, j'ai l'impression quand même que c'est à la portée du plus grand nombre et qu'on peut toutes et tous y trouver sa place avec, en plus, bah, là, forcément, sa personnalité à apporter dans ses manières de se relier aux autres. Je ne vais pas être plus long parce que vraiment, j'ai envie de vous laisser sur l'énergie là que Renaud nous a léguée. J'espère sincèrement aussi que vous pourrez mener cette expérience d'aller seul dans un bar et voir ce qui s'y passe. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode des 2030 Glorieuses. Allez, salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuses avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !